Pleasure Speed Maker. Plus de nuit à l'hôtel que dans sa chambre. Belle vie pour tenter ta chance. Elle te boycotte si tu n'as pas de genre. Oh nan. Plus de followers qu'un rappeur. Dis la footballeur ou braqueur. Et la gola elle a pas de cœur. Oh nan. Midi à la maison. Minuit et demi endroit très sombre. Non. Fais la bise à tous les physios. Le genre de côté télévision. Oh non. Et la nuit elle barreau dans les chiches. Voler ton oseille et elle est chiche. Mathusalem Greg pas de chiche. Tu veux me plumer, tu sais pas qui je suis. Elle est remplie de manières. Cousine, je ne suis pas née d'hier. Attends, jamais je vais te marier. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et attends. Tu ne sais que faire des pattes, je n'ai pas le temps. Le ventre vide, négro, jamais content. Contente-toi de ma présence, demain je serai plus là. Je t'offrirai la luna, tu te poseras dessus quand je serai plus là. Midi, il est au taf. Minuit et demi dans la même boîte qu'elle. Ils disent la calcul app. Rancunière comme elle est, lui dira seulement ok. Ça va finir en tragédie. Jamais fidèle depuis toutes ces années. Il ne sait pas comment lui dire. Au fond, il sait très bien qu'elle va lui pardonner. Elle est remplie de manières. Cousine, je ne suis pas née d'hier. Attends, jamais je vais te marier. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi. Et si je dois en choisir une, ce sera pas toi. Et pas toi, pas toi.